action, quoi. On voudrait autre chose. Comment je pourrais te dire que c'est autre chose que je voudrais écrire? Mais j'ai trop de peine, je peux pas, je me dois d'être sincère. Je veux autre chose que de voir les frères quand ils se déchirent. Faire du mal, construire des armes pour se détruire. Autre chose que la politique et tous ces blabla. Dans l'assiette, toujours les mêmes qui se tapent les abats. Et autre chose que de voir les traits que la vie nous taillade. Disons que pour beaucoup, c'est pas une balade. Je veux voir autre chose qu'un combat qui nous unit fièrement. Que des sourires visibles jusqu'à y'a de l'argent, tu sais. Autre chose que des garbas, des chiens, des pare-balles, des cache-bras, des rages de gargalet. Pour n'importe quoi, même pour une podcast, c'est pas en sucette. Essaye de calmer les frères, celui qui en prend 6 ou 7 dans la carcasse, merde. Aujourd'hui, même les anges ont des emmerdes et tout se succède. Je voudrais autre chose que la tempête au fond de ma tête, bonhomme. Autre chose à montrer à nos mômes que sexe, planète, play, mais tes clubs, spanet, c'est pas net, assoiffé, les bêtes pètent leur cage, et c'est la panique. Alors qu'est-ce t'as, mec? Je sais que c'est pas la fête, mais jusque-là, on a fait avec. Alors baisse pas les bras et bats-toi. Si j'en suis là, c'est parce qu'à moi, on m'a dit ça. Je viens apporter ce que j'ai appris, on le sait pour toi. Allume un cierge dans les flammes, rappelle l'obscurité. Rappelle que tout est éphémère, sans ce qu'on avait cité. Essayer d'inciter et de faire reconnaître des gueules qu'on veut pas voir ouvertes. On allume un cierge dont les flammes rappellent l'obscurité. Rappelle que tout est éphémère, sombre ce qu'on avait cité. Essayer d'inciter et de faire reconnaître des gueules qu'on veut pas voir ouvertes. Crois pas qu'on l'accepte. Je rêvais d'autre chose, vie à l'eau de rose. Est-ce que j'ai eu d'autres choix? Des potes qui graffent, viens on va poser. Y'a ceux qui braquent, viens on va oser. Genre de petits cons qui donnent aux flics la nausée. Je voulais autre chose, mais j'aurais une vie bien arrosée. Je voulais d'autres causes, d'autres trucs à défendre. Mais sur le papier, j'ai rien à poser. Dans ma vie, rien à poser, mais non plus rien à poser. C'est peut-être ça le problème, j'ai pas l'arranger en causant. On me dit que c'est en bossant que les solutions se trouvent. Pas de bol, je voulais autre chose. Petit, je voulais être pompier. Plus tard, je voulais être pompé. J'aimais les tasses, je voulais les tromper. Je parlais du dark que je voulais tromper. Mais elles m'ont mis des trompes au cœur. C'est moi qui ai fini planté. Donc finalement c'était pas ça, l'idée de passage. Après tout, y'a que les cons qui changent pas. On évolue et avoue volontiers que nos vies vouées un rap serait un vœu. Une de musique serait un jeu. J'appuie sur play start, je rêve de finir vieille star ou un truc du genre. Mais sûrement j'aurai autre chose. Avoir le cul sur une autre chaise ou entre deux. Comment s'entraider quand les autres se taisent? Où est ma place? Quelle est ma classe? Autre chose, autre rêve et autre choix. On allume un cierge dans les flammes, rappelle l'obscurité. Rappelle que tout est éphémère, sans ce qu'on avait cité. Essayer d'inciter et de faire reconnaître des gueules qu'on veut pas voir ouvertes. On allume un cierge dans les flammes, rappelle l'obscurité. Rappelle que tout est éphémère, sans ce qu'on avait cité. Essayer d'inciter et de faire reconnaître des gueules qu'on veut pas voir ouvertes. Crois pas qu'on l'accepte. Autre chose que des crises d'angoisse, des mots qui froissent, des mots qui passent. Je voudrais autre chose à l'occasion que ce regard habituel, des tours de nos ruelles, des scènes qui vont trop loin, qui nous sèment. Le cœur du rap se gangrène, perd trop de sang. J'ai trop de choses que ça pour mes enfants, père absent. Et trop d'excès, crois pas qu'on rappe sans nos peurs et nos doutes. J'ai trop de choses que des jeunes mères qui shootent. Moi de leur chatte à des vieux portes, parce que la vie ça coûte. Autre chose que cet air méprisant que t'as eu un jour pour un arabe, un noir, un blanc, parce qu'il avait pas le même discours. Je voudrais plus de tolérance entre les races, moins de chlasse. Quand la haine entre dans la danse, elle a un pas d'avance décalé. Autre chose que des écales. Et quand t'as volé, t'as pas vu ta mère affole. Et lui a déjà, tu dis désolé, non. J'ai trop de choses que cette putain de fierté qui pousse à faire souffrir les êtres aimés. C'est un goût, mais chacun le sait. Autre chose que des textes bidons à l'eau de rose. Pour la dompter, respecte-la, cette prose. Cache pas ta salive avec des pseudo-rimes agressives. À croire que tous les vrais MC ont la gâchette impulsive. Que dalle, je voudrais autre chose que le monopole des grandes fortunes de ce monde. Lorsque ça croit la dette du tiers monde, on fait comme si la vie d'un gamin pauvre riche avait le même prix. Je voudrais autre chose, mais c'est ainsi. On allume un cierge dans les flammes, rappelle l'obscurité. Rappelle que tout est éphémère, sans ce qu'on avait cité. Essayer d'inciter et de faire reconnaître les gueules qu'on veut pas voir ouvertes. On allume un cierge dans les flammes, rappelle l'obscurité. Rappelle que tout est éphémère, sans ce qu'on avait cité. Essayer d'inciter et de faire reconnaître les gueules qu'on veut pas voir ouvertes. Crois pas qu'on l'accepte. Isolé, que je dise rien. La vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite. La vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite.